Ce vendredi, à la vie en BD, un regard sur l'intégration de la bande dessinée au niveau secondaire, un regard sur la communauté de juifs hassidiques de Montréal, un regard également sur l'année 2015 en BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Un regard un peu à caractère pédagogique, si on peut dire, cette semaine. On avait envie de vous proposer ça et surtout de se proposer ça. Alors, en deuxième partie, on aura l'occasion de parler avec une chercheure de l'Université de Montréal qui, conjointement avec Francis Desharnais, la chercheure étant Valérie Amirault, a réalisé un album sur la communauté juive hassidique de Montréal, un peu en extension de ses travaux de recherche en études des religions. Alors, ça a donné un ouvrage qui s'appelle Salomé et les hommes en noir, dont on décryptera les paramètres donc tout à l'heure. Également, dans quelques instants, on aura le plaisir d'avoir avec nous Marie-Hélène Marcoux, qui est conseillère pédagogique et qui a livré tout récemment, fait l'automne dernier, un ouvrage aux éditions de la Chenelière qui s'appelle La BD au secondaire et qui propose l'intégration de différents titres au corpus d'études de premier cycle, deuxième cycle du secondaire et également des exercices, une démarche en fait pour étudier, pour appréhender la lecture de la bande dessinée. Alors, je pense que ce sera deux sujets très, très riches qu'on a hâte de vous partager. Dans l'actualité également, ben on est en début d'année et on a eu droit donc l'an dernier à tous les palmarès et le reste. Et maintenant, on sait qui remporte les différents prix tirés de ces palmarès, notamment du côté de France Info. Le prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage, 22e édition, a été remis à Luz pour son Catharsis paru chez Futuropolis. Également en nomination, on rappelle, dans la sélection officielle du 43e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'album revient sur la manière dont le dessinateur qui avait échappé, d'ailleurs le 7 janvier, on se rappelle, à la tragique tuerie de Charlie Hebdo parce qu'il était arrivé en retard. Alors comment il a vécu ces événements traumatisants, les répercussions également de tout cela sur sa vie privée. On a souhaité récompenser cet album du côté de France Info pour, j'ouvre les guillemets, cette histoire personnelle qui met des images et des mots sur la sidération ressentie par tous après les attentats de janvier. Autre prix qui a été remis, le prix Artemisia. On rappelle que l'association avait sélectionné 20 albums de bandes dessinées pour cette récompense exclusivement destinée aux femmes. Une récompense qui a été décernée d'ailleurs quelques jours après la polémique autour du sexisme du festival La Bande Dessinée d'Angoulême. Alors ça a été attribué donc à Sandrine Revel pour Glenn Gould, Une vie à contretemps, qui a été parue chez Dargo. Une biographie qui retrace la vie du célèbre pianiste canadien pour tenter de comprendre sa personnalité cachée. Pourquoi a-t-il arrêté si brutalement sa carrière de concertiste? Pourquoi est-il devenu une des premières figures de l'ère médiatique à vouloir disparaître? Alors, une date d'ailleurs qui ne doit rien au hasard, puisque l'année dernière, en fait, c'était la date d'anniversaire de la naissance de Simone de Beauvoir, donc le 9 janvier, donc date de remise des prix Artemisia. Donc voilà pourquoi le prix est remis à cette date à chaque année. Et dernier clin d'œil à ces prix, après 3 semaines de vote du public, la FNAC a dévoilé le nom des finalistes pour le 4e prix de la BD FNAC. Alors, les lecteurs avaient jusqu'à la mi-décembre pour sélectionner leurs titres. Ils en ont sélectionné 6. Alors, voici les noms des finalistes. California Dreaming de Pénélope Bagieux, Cher pays de notre enfance d'Étienne Davodeau et Benoît Colomba, Le grand méchant renard par Benjamin Renner, Le piano oriental de Zeina Abirached, Le sculpteur de Scott McCloud et Undertaker, le premier tome de Ralph Meyer et Xavier Dorisson. Les titres qui se retrouvent d'ailleurs dans plusieurs palmarès, ça et là. De mon côté, je viens tout juste de finir Le sculpteur là, avant d'entrer en onde, et je dois avouer que c'est une œuvre absolument magistrale. Bon, je me décernerai sûrement le droit de vous parler en cours de route, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Alors voilà pour ces différentes récompenses. Et maintenant, on fait toujours cette musique à saveur 8 bits qui nous accompagne au fil des semaines. On écoute un extrait cette fois-ci d'un album qui s'appelle A Few Single and Sense de Sonus Silver, et un premier extrait donc qui s'appelle More Than a Conquest. J'en profite par ailleurs pour vous rappeler que nous sommes sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Vous pouvez également trouver nos émissions en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et tel que mentionné, on plonge maintenant dans l'univers de l'éducation et de voir de quelle manière la bande dessinée pourrait être intégrée dans la démarche d'apprentissage des étudiants et étudiantes du niveau secondaire. On en jase avec Marilyn Marcoux, conseillère pédagogique, qui a offert un livre d'exercice de démarche qui s'appelle « La BD au secondaire ». C'est aux éditions de la Chenelière. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a l'impression qu'un ouvrage comme ça, on le fait un peu pour répondre à un manque, à un vide, parce que de ce que je me rappelle de mon secondaire et de ce que j'ai l'impression que c'est encore le cas, il y a peu de BD dans le cursus littéraire, dans le cursus d'apprentissage de l'étudiant. En fait, effectivement, il y en a peu. De BD au secondaire. Notre programme de formation nous dit qu'on peut en lire en première secondaire et en cinquième secondaire. Par contre, moi, ce que je me dis, je considère que la BD, c'est pas un genre, mais c'est bien un médium, hein, comme plusieurs spécialistes le rappellent aussi. Donc, c'est un médium dans lequel va venir s'inscrire plusieurs genres. Et donc, à partir du moment où on fait ce constat-là, moi, je dis, on peut lire de la BD de la première à la cinquième secondaire, puisqu'on a des BD historiques, humoristiques, de chansons, de poèmes. Donc, on peut trouver son compte pour toutes les années du secondaire. Mais malheureusement, c'est encore des avancées timides qui se font. Oui, j'imagine en fait que le défi, c'est de trouver des champions de la cause un peu pour la porter, pour convaincre des collègues, parce que c'est pas tous les enseignants non plus qui sont lecteurs de BD ou qui sont à jour sur ce qui se fait en BD ou sur ce qui s'est fait de bon en BD. Ben effectivement, je pense que si certains enseignants sont un petit peu réticents à inclure la BD dans leur cursus, c'est que deux choses. La première, ils ont un petit peu en tête la BD de leur enfance, ou parfois c'était une BD plus facile, parfois une mauvaise traduction, parfois un gag, une case, et là on se dit comme le temps est quand même limité dans nos cours, il faut viser juste. Donc parfois on a encore cette idée-là, alors qu'il y a une belle panoplie de BD là, qui s'est développée au cours des dernières années. Et d'autre part, souvent les enseignants me disent « Oui, mais écoute, comment je vais faire moi pour transmettre le vocabulaire de la BD? Par quel bout je vais prendre ça? S'il faut que je travaille 50 heures pour m'approprier tout ça, c'est beaucoup. » Alors, moi, ce que je leur propose, c'est une démarche où on va s'approprier ensemble, en même temps que nos élèves, on va s'approprier quelques notions du langage graphique et on va avoir du plaisir, on va partir à la découverte de plusieurs univers et ça va venir s'insérer parmi les romans qu'on ne délaissera pas, parmi les recueils de poésie qu'on va aussi continuer à lire. Parce que de toute façon, les procédés littéraires, en fait, vous le mentionniez tantôt, en fait, on parle d'un médium, pas d'un genre différent, donc nécessairement le procédé du polar, le procédé de la nouvelle, du récit humoristique, etc., ça se retrouve aussi en bande dessinée. Mais oui. En même temps, il y a ce nouveau langage-là, donc on donne des clés aux enseignants, on donne des clés pour qu'ils puissent accompagner et les approfondir avec leurs étudiants, oui, pour ensuite pouvoir intégrer ça et comparer ça peut-être avec d'autres médiums littéraires. Exactement. Et je dirais que l'image de la BD qui est toujours que drôle a la vie dure. Parfois, je donne des pôles à certains enseignants en disant, écoute, jette un œil là-dessus puis on s'en reparle, tu me diras ce que t'en penses. Et parfois, la remarque, c'est, écoute, j'ai pas ri. Mais là, je dis, mais est-ce que je t'avais dit que c'était drôle? C'est pas nécessairement drôle, une BD. On peut aussi être ému, avoir peur, pleurer. Et donc, quand on découvre toute cette gamme d'émotions-là qu'on peut aussi avoir, on est vraiment face à un texte littéraire qui amène une double lecture qui est vraiment au service du développement de la compétence à lire. Et Marie-Hélène Marcoux, j'aurais envie d'ajouter, j'imagine que c'est aussi ça peut devenir une porte d'entrée pour des gens qui sont rebutés par le médium livre, par la prose, qui n'embarquent pas dans la poésie, mais qui aiment la BD, leur lecture, c'est ce médium-là. En fait, chez nos adolescents, il faut savoir que la BD est le deuxième choix de lecture préféré des garçons de 12 à 17 ans, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est deux études récentes, enquêtes de l'OCDE de 2004, je crois, et 2014. Le premier choix étant le journal. Et moi, parfois, je rajoute probablement le cahier des sports, et c'est très bien. Mais sachant que le deuxième choix, c'est la BD, ben moi, je me dis, dans le contexte où on voit que nos garçons, parfois, ont de la difficulté à atteindre la réussite et les objectifs, ben pourquoi ne pas miser un petit peu plus sur la BD? Exactement, pas exclusivement, mais l'intégrer pour aller chercher un maximum de gens, un maximum d'intérêt, puis en faire des lecteurs peut-être de manière plus durable, parce qu'on a été les chercher là où ils avaient envie d'être aussi un peu. Oui, et je reviens à la double lecture. La double lecture, c'est la lecture du texte et la lecture de l'image. Et on sait que le développement de la compétence à lire se poursuit tout au long du secondaire. Hein. On n'apprend pas à lire seulement en première année. Mais justement, les défis de compréhension au secondaire, c'est vraiment de lire entre les lignes, d'inférer, de voir ce que l'auteur nous a dit, ce qu'il nous a pas dit, les choix qu'il a fait. Et donc, quand on a l'image en plus, eh bien là, on est face vraiment à un texte qu'on appelle proliférant. Donc, qui porte à de nombreuses interprétations, autant en lisant l'image qu'en lisant le texte. Exactement. Il y a des éléments d'analyse. On peut passer à la mise en scène de la planche, les choix de texte, la précision du vocabulaire, souvent parce que l'espace est limité au niveau BD. Donc, j'imagine que pour les étudiants, il y a une belle démarche d'apprentissage, d'exploration à faire autour d'un ouvrage comme celui-là. Oui. Et quand on aborde le langage graphique, je propose aux enseignants de ne pas commencer par une petite leçon... je dirais techniciste, on n'ira pas là-dedans. On ne dira pas, voilà, ceci est une case, ceci est un récitatif. Mais on va plutôt lire, on va s'engager dans la lecture ensemble. Et au fur et à mesure qu'on va avoir des éléments graphiques, on va pouvoir les faire observer en questionnant. Et c'est sûr qu'au début, ben on entend souvent le mot, la patente, tu sais, l'affaire, là, en haut. Et là, rapidement, quand on met des mots là-dessus, moi, en tout cas, l'expérience que j'ai fait dans des classes au navigateur, en ayant 2-3 leçons, les élèves utilisent le bon vocabulaire. Puis là, une fois que le vocabulaire est acquis, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. Oui. Et ils en sont fiers de l'utiliser, le bon vocabulaire pour parler de la BD. Donc, progressivement, on s'approprie l'histoire, on s'approprie l'univers du BDiste, et puis on va s'approprier aussi le langage graphique. Et peut-être, en fait, pour se faire une idée un peu de l'amorce de ça, en fait, l'amorce de ces exercices-là, dans la BD au secondaire, vous avez sélectionné 3 titres donc pour accompagner cette démarche. Alors, c'est 2 albums de Paul, donc Paul au parc et Paul a un travail d'été de Michel Rabagliati. Également, Jane Le Radar et moi de Fanny Britt, Isabelle Arsenault. Marie-Hélène Marcoux, j'aurais envie de vous demander d'emblée pourquoi avoir choisi ces 3 titres-là. Alors, tout d'abord, dans l'ouvrage, je présente aussi 5 repères qui peuvent nous guider quand on veut choisir une BD pour nos élèves. En fait, quand on est amateur, lecteur, ben on peut se tromper en faisant un choix, on abandonne la lecture et puis on trouve une autre BD. Quand on veut en choisir pour ses élèves, ben c'est un petit peu plus compliqué, on veut pas se tromper. Alors je présente 5 critères à observer. Le premier, la langue, la thématique de la BD, le dessin, sa mise en page, l'organisation du récit, comment c'est amené et, en bout de ligne, l'effet série qui peut parfois être très accrocheur pour les ados. Et donc, quand j'ai choisi Paul au parc, c'était vraiment les thèmes, tout d'abord, qui m'ont touchée, parce que le Paul, à ce moment-là, a 12 ans, c'est son premier amour, c'est la gang, hein, son groupe d'amis chez les scouts, et sa passion pour la BD qui vraiment prend naissance à ce moment-là. Aussi, ben, l'effet série, je me suis dit, si les ados l'aiment, peut-être qu'ils vont avoir envie d'aller le relire. Jane, ben c'est tout autre chose, hein. On est dans un autre univers. C'est vraiment la qualité de la langue qui est exceptionnelle. Les figures de style qui sont utilisées par Fanny Britt, on peut vraiment les travailler avec nos élèves. Et les illustrations d'Isabelle aussi, qui vient un petit peu déconstruire l'idée où que les élèves se font de la BD, toujours la même case, le même format avec du rouge, alors que là, ben on est dans une BD plus soft. Oui, mais enfin, en même temps, ça tranche un peu avec Paul qui a un esprit plus classique quand même dans sa mise en scène. Oui. Avec Jane Le Renard et moi qui, au contraire, c'est très poétique, c'est très ressenti, en fait, l'émotion. On passe beaucoup par le trait, par le dessin, par les illustrations. Oui, et la composition de la page qui est différente aussi, hein. Elle est beaucoup dans le un tiers, un tiers, un tiers. Isabelle Arsenault. Donc ça, c'est un autre repère qui m'a vraiment guidée. Et puis pour Paul à un travail d'été, bien évidemment, encore là, les thèmes qui commencent par le décrochage scolaire dès les premières pages. Donc ça interpelle très fort nos ados de 16-17 ans. Le fait qu'ils répondent oui à l'appel pour aller être moniteur dans un camp d'été avec des enfants alors qu'on sent qu'ils ne raffolent pas de la nature ni des enfants. Donc ça vient vraiment toucher les ados. Et aussi l'organisation du récit qui fait en sorte que, aux deux tiers, les deux histoires s'entremêlent et on retrouve Paul qui s'en est sorti manifestement puisqu'on le voit graphiste et père de famille. Donc, ça vient vraiment toucher les ados plutôt du deuxième cycle. On travaille en secondaire 4 et 5. Et donc, on a ces albums-là, on a donc les clés de langage qui ont été acquis un peu à travers la lecture, à travers une démarche beaucoup plus participative. Et donc, une fois que ces éléments-là sont en place, bien, j'imagine que l'idée, c'est un peu de faire discuter, de faire échanger, de faire explorer voilà. Un peu le livre en collectivement. Oui, je présente une démarche qui est inspirée de chercheurs américains, Appleby et Beck, et un Français qui s'appelle Ménager, qui lui a mis au point un type d'activité de lecture collaborative. Et en fait, dans l'ouvrage, je les présente, il y en a trois activités. Il n'y en a pas 10 000, il y en a trois. Alors, on les présente et on les met en place au service des trois BD que je présente. Et rapidement, je vous donne un exemple. Il y a un type d'activité où on va discuter de ce qu'on vient de lire sans la BD dans les mains. Alors, on lit ensemble et quand notre séquence est terminée, on ferme et là, on confronte nos façons de voir les choses, on discute ensemble, mais on ne peut pas aller vérifier dans la BD. Et ça, les élèves n'y sont pas habitués parce que généralement, ils ont toujours le texte sous les yeux. Donc, on fait une discussion comme ça où on forme vraiment une véritable communauté de lecteurs. Au sens où ce ne seront pas seulement des communications entre un enseignant et un élève, mais bien entre les élèves également. Donc ça, c'est important. Et la lecture collaborative va un petit peu vraiment à l'encontre du fait qu'on lit chacun pour soi de façon individuelle, en silence, et après, on va répondre à des questions. Donc moi, je déconstruis ça un petit peu. Je me dis, au fond, pourquoi on lit? On lit pour entrer en relation avec des personnages, avec des idées, avec des univers, des visions du monde et pas pour répondre à des questions de repérage. Bien entendu, dans un contexte scolaire, éventuellement, il faudra prouver qu'on est un lecteur compétent, mais pour le devenir, discutons ensemble, arrêtons-nous en cours de lecture pour confronter nos façons de voir les choses. Et si moi, comme participant à ces discussions-là, j'ai pas tout à fait envie de réagir, je vais bénéficier des représentations des autres puisqu'on va être à l'oral, on va parler, on va discuter. Donc, c'est un petit peu ce que je souhaite présenter, proposer. C'est un défi que je lance aux enseignants. Oui, et jusqu'à maintenant, est-ce que la réponse est bonne? Bon, il y a eu l'ouvrage donc, qui a été publié l'automne dernier. C'est une démarche que vous aviez commencé depuis 2014 à travailler, à commencer à monter des ateliers, le reste. Donc, est-ce qu'on a l'impression d'être encore beaucoup avec le bâton de pèlerin pour convaincre ou que tranquillement, il y en a d'autres qui se joignent à vous avec des bâtons de pèlerin aussi? Moi, ça me semble important, avant de proposer un ouvrage, de tester ce que je proposais. Alors, j'ai profité du fait que j'ai commencé à travailler Paul au parc de façon individuelle à ma commission scolaire et j'ai demandé l'aide de deux enseignantes qui ont accepté de m'ouvrir la porte de leur classe et on a testé nos discussions avant de les proposer et on a vu que ça marche. Et je vous partage une phrase que des élèves ont dite à leur enseignante après deux ou trois cours où on faisait Paul au parc. Alors, on était, la cloche sonne, on attend que les élèves s'installent, rentrent, et là, on entend « Madame, on fait-tu Paul? » Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment mignon et je me disais, si quand tu rentres dans ton cours de français, tu as envie d'aller chercher la BD qui est dans la boîte en avant parce que tu sais qu'on l'a commencé il y a quelques jours et tu veux avoir la suite et tu veux bénéficier de l'effet groupe, moi je me dis, c'est gagné. Oui, puis après ça, dans le fond, nécessairement, à travers la discussion, à travers les échanges, ils enrichissent leur expérience de lecture et rapidement, dans le fond, j'imagine, pendant que le livre se fait, ils profitent aussi de ces moments de discussion-là, de ces pauses, pour aller en tirer plus d'une première lecture que ce qu'ils en auraient tiré individuellement. Effectivement, parce que si on est seul avec un texte, ben on a accès à seulement sa représentation des choses. Si on est 32 à lire la même chose et qu'on en discute et qu'on a, on parle, on bénéficie du regard des autres sur l'œuvre. Et à travers ça, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un bénéfice à utiliser la BD comparativement à d'autres types de livres, ou c'est simplement l'idée d'offrir une variété qui domine un peu aussi dans l'idée que, oui, on va faire la démarche avec des romans ou des démarches similaires, avec des poèmes également, mais que la BD doit être considérée parce que c'est une porte parmi les autres qui est nécessaire d'intégrer? Ben, en fait, ce que je souhaite, j'aimerais que la BD soit vue comme un choix de plus dans l'éventail de lecture. On ne veut pas en faire nécessairement que des lecteurs de BD, mais pas que nécessairement des lecteurs de romans non plus. Et c'est prouvé que si, en bas âge et même à l'adolescence, on peut avoir accès à une grande variété de textes et de genres, on risque plus de devenir un lecteur pour la vie et non pas un lecteur opérationnel. Donc, moi, je me dis, si on est capable d'insérer dans notre parcours scolaire sur une année, une ou deux lectures de BD en groupe, eh bien, ça ne sera que plus riche. Oui, et vous avez mis la clé, en fait, sur ça. J'imagine que l'objectif, le cœur de tout ça, c'est de former des lecteurs, c'est de donner le goût de lire, finalement, aux gens. Pas de maîtriser un média, mais simplement de le comprendre suffisamment pour l'apprécier encore plus. Oui, et de se dire, je viens de terminer un roman, une BD, un recueil de poésie, un recueil de chansons, et j'ai envie d'aller encore découvrir d'autres univers. Je pense que c'est l'objectif de tous les enseignants, de tous les intervenants dans le milieu scolaire, et je pense que la BD peut y contribuer. Et s'il y a des profs qui nous écoutent ce soir, Marie-Hélène Marcoux, il y a le livre évidemment à la Chenelière. J'imagine qu'il y a possibilité via l'éditeur aussi d'entrer en contact avec vous s'ils veulent en savoir un peu plus sur les tenants, les aboutissants de cette démarche que vous leur proposez. Tout à fait. J'étais au Salon du Livre il y a quelques semaines, au Salon du Livre de Montréal. Je devrais être au Salon du Livre de Québec également. Et au Salon du Livre, j'étais assez étonnée de voir l'ouverture et la curiosité des enseignants qui sont venus m'en parler, et aussi de la diversité des gens qui se sont arrêtés devant mon ouvrage. Une grand-maman qui me disait que son petit-fils l'a finalement convaincu à lire des mangas avec elle. Donc ça, c'est agréable à entendre. Des adolescentes qui passent et qui voient Paul sur la page couverture, qui se demandent ce que fait Paul sur un ouvrage didactique, et qui me demandent, est-ce que je peux poser votre livre parce que je vais le montrer à mon prof de français, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Donc, je me dis, il y a peut-être un petit engouement qui est en train timidement de se créer, mais qui est probablement très présent. Et tant mieux si mon ouvrage peut y contribuer un petit peu. Je rappelle, donc, l'ouvrage s'appelle « La BD au secondaire ». C'est aux éditions de La Chenelière. Marie-Hélène Marcoux, auteure, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on repart donc toujours ces petits extraits musicaux, toujours avec cet album « A Few Single Incents ». De la vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous, je rappelle, jusqu'à 18h30. Et ben évidemment, l'année 2015 s'est terminée, mais à quoi ressemblait-elle cette année en matière de BD? Alors, question de nous accompagner un peu dans ça. Sur le plan de la francophonie, évidemment, il y aura également une vision québécoise qui sera portée. Je crois que ça sera publié au fil des prochaines semaines, à tout le moins dans le premier tiers de l'année, via mon collègue Michel Viau de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Mais pour l'instant, la CBD a également publié son traditionnel rapport Ratier, un rapport par lequel ils ont qualifié d'année de rationalisation pour la BD, donc donné ce qualificatif à 2015. Pourquoi rationalisation? J'ouvre les guillemets. On dit, en cette période d'instabilité politique où les assassinats des dessinateurs du journal Charlie Hebdo du début de l'année sont encore dans toutes les mémoires, les acteurs du 9e art cherchent à maintenir les positions durement acquises en matière de parts de marché. Ils ralentissent quelque peu leur rythme de production ou adaptent leur politique éditoriale en misant sur les valeurs sûres, d'où la conception de revivals modernisés ou le lancement de nouvelles séries référencées. Tout est fait pour satisfaire les goûts du grand public, pour ne pas risquer de perdre les places dans les linéaires des librairies, quelquefois au détriment de la création et de l'innovation. Pour l'année 2015, en Europe, on parle de 5255 livres de bande dessinée qui ont été publiés. De cela, il y a 3924 nouveautés. Ça représente globalement un retrait de 2,9% par rapport à l'année 2014. Et c'est la deuxième fois au fil des 17 dernières années où la production BD connaît un recul. Une production globalement qui est portée par 368 éditeurs, mais de ces 368 éditeurs-là, il y en a 3, en fait 15, qui se partagent 68,6% de la production. De cette production-là, on parle de 1399 auteurs qui, en Europe, réussissent à vivre la création de bande dessinée à temps plein, alors qu'il y a 1602 albums ou scénaristes qui ont publié en 2015. Évidemment, il faut dire aussi que sur les 5255 titres répertoriés, il y a 2305 titres qui sont des productions étrangères en provenance de 35 pays, dominés largement par l'Asie, ensuite par les États-Unis. En excluant également les rééditions, les recueils d'illustrations, les titres en traduction ou les essais, on remarque qu'il n'y a eu que 1421 véritables créations de bandes dessinées en Europe francophone pendant l'année 2015. Donc, ça représente à peu près 27,1% de la production totale d'albums. Encore là, un léger recul, 64 titres de moins donc qui ont été publiés qu'en 2014. Côté vente, on dit que les ventes ont progressé d'environ 3,5% sur les 9 premiers mois de 2015. Donc, c'est un point de plus que la moyenne de l'ensemble du marché du livre. Mais par contre, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des autres industries culturelles, les chiffres des ventes sont entre guillemets faussés parce que il y a un nombre restreint de titres qui va canaliser la vaste, vaste majorité des ventes. Cette année, donc, on compte à 88 titres qui sont tirés à plus de 50 000 exemplaires, 63 d'entre eux qui appartiennent au domaine franco-belge. Alors, on parle donc de 10 tirages qui sont massivement importants, à peu près 80 qui les suivent par la suite. Donc, on parle d'Astérix, Titeuf, Le Chat, Corto Maltese, Largo Winch, L'Arabe du Futur, Les Vieux Fourneaux, Les Légendaires et Les Nombris. Ça, c'est les plus gros tirages, les 10 plus gros tirages du côté de l'Europe. En matière de comics, le tirage le plus important, c'est encore une nouvelle fois Walking Dead. Même chose également du côté manga, c'est 3 titres qui dominent largement One Piece, Naruto et Fairy Tail. Par contre, une ombre au tableau, selon Gilles Ratier, il nous dit, j'ouvre les guillemets, les chiffres de tirage des locomotives du secteur continuent de diminuer, une baisse qui s'expliquerait en partie par le fait que les éditeurs s'ajustent mieux leurs coûts en imprimant ce qu'ils espèrent être les ventes d'une première année de mise en place. Le perfectionnement des machines d'impression permet des retitrages plus rapides pour un coût qui est largement moins important qu'autrefois. Alors, ça vient également influencer ce mode de travail. Dernier élément, évidemment, on peut toujours se demander la place de la BD numérique dans tout ça. Ça reste extrêmement marginal. Très peu de titres qui sont disponibles. Évidemment, ça augmente quand même de manière exponentielle, mais exponentielle avec des tout petits chiffres. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, c'est pratiquement 1% de la production là, qui se retrouve en format numérique. C'est un support qui a toujours beaucoup de difficultés à trouver ces marques, mais malgré tout, les ventes continuent de se développer, tout particulièrement dans le domaine du manga, qui lui fait face à une grosse, grosse compétition avec le piratage, donc c'est quand même plus qu'honorable de ce côté. Alors voilà pour ce petit survol, ce rapide survol du rapport Ratier, quand même assez massif. Si vous avez envie d'ailleurs de le lire, de le parcourir de manière plus intégrale, eh bien c'est possible de le faire en allant sur acbd.fr, donc une soixantaine de pages, donc assez complet comme analyse. On repart en musique, je rappelle toujours avec Sonus Silver, un album qu'on peut trouver sur Bandcamp. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez trouver le blog de la vie en BD, certes sur WordPress.com, mais également sur voir.ca/Raymond-Poirier, mon blog est peut-être un peu plus personnel. On poursuit donc l'émission de cette semaine en route, dernière ligne droite, j'aurais envie de dire, mais une longue ligne droite qu'on va partager en partie avec deux auteurs d'un album qui s'appelle Salomé et les hommes en noir, donc disponible du côté de Bayard Jeunesse. Il s'agit de Valérie Amiraud qui est avec nous au bout du fil, bonjour. Oui, bonsoir. Et Francis Dernay qui est avec nous et en studio, bonjour. Bonsoir. Alors, peut-être premièrement, donc c'est un album qui s'intéresse à la réalité de la communauté juive hassidique de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce sujet? Qu'est-ce qui vous a amené vers ce sujet-là, mais pour la bande dessinée? En fait, moi, j'ai contacté Francis après avoir déjà réfléchi au projet, mais c'est la rencontre entre mes idées de mère de famille installée depuis pas très longtemps à Outremont avec une petite fille qui posait plein de questions sur ce qu'elle découvrait et la rencontre avec son dessin, avec le dessin qu'avait publié Francis dans Burkett qui nous a conduit en fait à cheminer ensemble vers ce projet, puisque Francis habite pas à Montréal, donc c'était pas son quotidien, c'était le mien de manière très nouvelle puisqu'on s'était installé peu de temps avant que je rencontre Francis dans le quartier. Et voilà comment une universitaire s'est mise à réfléchir BD avec un illustrateur. Donc, c'est amené un peu par le questionnement, par les questions soulevées par une petite fille de 8 ans, finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est basé sur toutes les questions qu'elle s'est mise à me poser. Elle était un peu plus petite que ça. Elle avait plutôt 5 ans quand ça a commencé à la travailler. Et donc, vous avez gardé ces questions-là en note. Vous les avez conservées pour éventuellement en arriver à bâtir ce que donnait Salomé les hommes en noir? En fait, moi, je travaille sur ces sujets-là, mais plutôt dans une perspective universitaire. Je suis sociologue, je m'intéresse au pluralisme religieux, donc j'ai plutôt l'habitude d'écrire des textes conceptuels, théoriques, parfois empiriques, mais surtout qui s'adressent à un public assez limité. Et là, d'entendre ma fille me poser des questions très naïves sur des choses qu'elle voyait et sur lesquelles elle avait besoin d'avoir des explications très simples, ça m'a juste donné l'envie d'essayer de réfléchir à une autre manière d'écrire sur ce sujet qui m'intéressait déjà par ailleurs. Donc j'ai pas vraiment consigné de manière systématique. J'ai noté un peu au hasard des feuilles qui traînaient, des post-it dans mon agenda. Et puis, avec Francis, après, on a formalisé tout ça. Mais quand je l'ai rencontré, j'avais déjà un peu réfléchi aux scènes, aux histoires, aux anecdotes. Et lui m'a aidé à mettre tout ça en récit. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en même temps, je l'ai accompagné justement à développer, je dirais, le langage à bande dessinée. C'est un projet qui a pris plusieurs avenues différentes. Au départ, c'était peut-être un livre plus, je dirais, jeunesse classique, donc des grandes images avec moins de texte, on va dire. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte que dans le fond, la bande dessinée allait permettre de mieux mettre en scène ce quotidien-là de cette petite fille-là et de sa mère et de faire passer les idées. L'intérêt aussi pour moi, c'était de découvrir avec Francis que par le dessin et par la façon dont dans une première étape, on avait pensé à la couleur. Moi, j'y avais pas pensé, mais lui allait plutôt vers ça. Ensuite, on a laissé tomber la couleur. Donc, je voyais bien comment l'image pouvait permettre, un peu comme le grain d'une photo, de placer la focale sur certaines scènes, sur certaines situations, que par l'écrit ou par simplement l'analyse à laquelle moi j'étais habituée dans mes textes, j'aurais pas pu parvenir de manière aussi efficace. Donc, il y avait un côté, pour moi, très très frais et un peu de découverte naïve de voir à quel point la BD pouvait donner du relief à des anecdotes sans les faire sombrer dans quelque chose d'un peu infantile ou de naïf ou de stupide, mais au contraire en travaillant vraiment les liens entre les personnages, en insistant sur les sites, sur les lieux où se passent les rencontres, parce que vous avez dit au début que le livre concerne la communauté hassidique. En fait, c'est un peu plus sur le regard que pose quelqu'un qui n'est pas de cette communauté sur la communauté hassidique. Et du coup, le dessin permet vraiment de montrer cette ligne-là, c'est-à-dire de pas aller trop loin et de pas non plus rester en deçà, de vraiment adopter un ton très juste tout de suite et de le suivre sur plusieurs lignes narratives. Il y a une histoire qui concerne Salomé et moi comme famille, il y a une histoire qui s'inscrit dans le quartier, et puis il y a les interactions avec la communauté et aussi tous les dessins, mais Francis en parlera beaucoup mieux que moi, les croquis qu'il a souhaité insérer au fur et à mesure que le projet avançait. Oui, parce que dans le fond, il y a eu le travail que vous avez fait en amont un peu du livre, il y a eu un travail aussi de rencontre, d'aller à la rencontre de lieux de cette communauté, de gens de cette communauté-là. Donc, ça s'intégrait un peu à la démarche de création. Oui, puis moi, c'est ça. Moi, je suis de Québec. Je connais pas du tout ce que peut être la vie dans une communauté ou de vivre parmi les gens appartenant à cette communauté-là. Donc, pour moi, quand j'allais à Montréal, je suis allé à Montréal à plusieurs reprises pour justement Ben, y aller, je vais dire, en touriste, là. Mais en même temps, ça faisait aussi que je pouvais peut-être avoir un regard un peu neuf et un peu... tout est nouveau pour moi à ce niveau-là. Donc, ce que je pouvais remarquer, ben, les autres gens du quartier l'ont remarqué, ils l'ont peut-être même oublié, tu sais, un peu les certains éléments de surprise. Donc, moi, c'est ce qui m'a... En avançant ce carnet de croquis-là, que je me disais, ah, ça pourrait être bien, ça pouvait aussi permettre de donner un peu plus de je dirais de faits historiques ou bon qui expliquent certains aspects vraiment peut-être plus précis au-delà de la relation entre la mère et sa fille. Oui, puis en même temps, à travers tout ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a un parti pris qui a été pris rapidement où il y a pas beaucoup de grands contextes historiques qu'on met de côté aussi. On n'est pas dans le contexte social, dans les débats géopolitiques et le reste. On est vraiment dans, vous l'avez dit, Valérie Amirault, tantôt, dans ce regard-là, dans ce questionnement qu'on a, où on apporte des éléments de réponse ou des nouvelles questions, mais où on essaie de centrer sur la réalité humaine plutôt que sur un contexte qui dépasse parfois un peu... Ben, ça, c'était un peu mon projet avant la rencontre avec Francis. C'est-à-dire que moi, je suis habituée à travailler sur les grands débats, les grandes disputes, les controverses sur le port des signes religieux, sur la laïcité, sur tout ça. Et je trouve que ça, finalement, le public, d'une manière générale, en a un peu sa dose. On ouvre les journaux, on va sur les blogs, on traîne sur les réseaux sociaux. On a un moyen d'avoir accès à ça. Par contre, ce que je trouve manqué dans ce type de débat, c'est... Le niveau un peu micro, de nouveau je reviens au grain de la photo, c'est vraiment les scènes toutes petites là qui tricotent le quotidien et dans lesquelles on est pris quand on habite des lieux dans lesquels on a des habitudes, des routines, des amitiés, des familles, du travail, des études, l'école, etc. Et puis le commerce aussi. Et donc pour moi c'était important de faire un livre qui soit pas un livre, je donnais pas des leçons là, je voulais pas faire un livre sur le pluralisme religieux, j'avais juste envie de montrer que la réflexion sur ces grands sujets sur lesquels tout le monde se dispute, elle démarre pour les gens qui sont pris dedans au quotidien par des questions toutes simples. Des questions toutes simples qui amènent des réponses parfois compliquées, mais dont il est important de rappeler que c'est d'abord là que ça se joue, avant de se jouer dans les grands principes un peu désincarnés. Et c'est là-dessus que j'avais envie de trouver un moyen de pouvoir poser ce niveau-là de lecture sans que le médium soit un truc rébarbatif. Du coup, la BD, ça devient tout de suite un truc évident. Oui, j'aimais bien, il y a une notion que Valérie, dans les différentes entrevues qu'on a fait, qui abordait la notion du frottement, c'est-à-dire des moments où les gens de la communauté juive hassidique vont vivre leur quotidien et les gens qui n'y appartiennent pas vivent leur quotidien, mais il y a des moments où ils se croisent sur le trottoir où il y a une scène où il y a un monsieur hassidique qui a échappé son verre de contact dans la rue, puis il y a des gens qui sont sur le trottoir qui l'aident, ou des fois il y a des femmes hassidiques qui viennent demander à des non-hassidiques de venir éteindre le four parce que c'est en période de Shabbat et elles ne peuvent pas. Donc j'aimais bien cette notion-là aussi où, justement, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours en train de se poser de grandes questions, mais il arrive des moments où il y a des échanges qui se créent, puis la BD permet de bien raconter ça. Il faut dire aussi que la façon dont l'extérieur du quartier Outremont perçoit ce quartier, et puis j'imagine aussi une partie des gens qui y vivent, est souvent une perspective, une représentation un peu dichotomique. On voit les gens comme vivants séparés. Alors effectivement, les communautés se mélangent pas, ou se mélangent très très rarement à des occasions particulières, dans certains magasins, sur les rues, dans certaines assemblées municipales où on discute de questions qui nous concernent tous. Mais là, la notion de frottement, c'est vraiment l'idée que il n'y a pas besoin de s'entendre, il n'y a pas besoin de discuter à fond de grands sujets et on serait sûrement en désaccord sur plein de trucs, tout comme je serais en désaccord avec d'autres voisins non hassidiques parce qu'on n'aurait pas les mêmes opinions, etc. Mais le frottement, c'est vraiment l'idée qu'il y a des situations où on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et le faire avec, c'est le moment où se pose la question dans la tête de la petite fille parce qu'elle a 5 ans et qu'elle vient d'un univers où la présence de ces communautés-là n'était pas son quotidien. Donc elle pose des questions à la fois en exerçant son jugement, c'est-à-dire que ce qu'elle veut savoir, c'est à quoi ça correspond, mais sans porter de jugement. Et exercer son jugement et porter son jugement, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'était ça que le livre voulait rendre. Par exemple, il y a des situations... On nous a beaucoup posé de questions pendant les entrevues sur quelles leçons vous voulez donner. On veut donner aucune leçon, on veut juste montrer comment ça se passe. Donc il y a des situations où ça se passe pas, Les gens se parlent pas, par exemple. Il y a des scènes où Salomé est pas très contente parce que les gens lui répondent pas et quand elle passe dans la rue et qu'elle dit pardon, personne fait attention à elle. Bon, ben, ça, c'est une réalité de la vie à Outremont. Mais il n'y a pas de quoi en faire un fromage, si j'ose dire. C'est juste une réalité de la vie quotidienne. Oui, à la limite, en fait, si j'essayais de je me dis, qu'est-ce que je retiens un peu de ce livre-là en matière de rapport entre groupes sociaux, entre groupes religieux, c'est peut-être un peu l'idée de la nécessité, de l'importance d'appréhender avec raison, avec justesse, les réalités culturelles. En fait, l'impression que si les réponses sont pas viables, peut-être, ben, dans le fond, si les parents en viennent à éviter, à sanctionner, à juger, eh ben, ça peut éventuellement planter des graines de positions qui vont mener à plus d'hostilité, finalement. Exactement. C'est vraiment le parti pris du bouquin, de montrer, à partir de petites situations, que, en fonction d'un truc très simple, on peut partir dans des directions complètement opposées. On peut partir dans un truc très très calme, très très nuancé, dans lequel on expose simplement la situation telle qu'elle advient, et puis des interprétations beaucoup plus radicales, beaucoup plus énervées, qui vont évidemment amener l'enfant, tout le projet est quand même de dire qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui pose ces questions-là. Hein. C'est un livre aussi, il faut pas oublier que c'est un livre qu'on a fait en ayant envie d'un peu de rigoler. Donc il y a quand même des situations drôles, il y a un peu de tristesse, on a raconté une histoire, c'est quand même le propos, c'est que les gens se divertissent en lisant ce livre. Et justement, en termes de réalisation, on part d'un sujet bon qui est dense, qui est riche, avec une volonté, j'irais pas pédagogique, mais bon, un certain esprit, si on peut dire, de ce côté-là, avec la volonté aussi de raconter une histoire. Comment on fait pour bien réconcilier tous ces éléments-là en développant, si on peut dire, le scénario de ce qui est à la fois un récit autobiographique, à la fois un petit côté documentaire, à la fois... donc, c'est vraiment un beau métissage, là, ce projet-là. Ben, c'est qu'il faut... Il faut tout balancer justement pour pas qu'un des aspects prenne le dessus sur l'autre. C'est un peu le défi de ce livre-là. Mais en fait, je pense que le parti pris nous qu'on a pris, c'est quand même de raconter ces histoires-là, ces petites scènes-là qui se passent à Outremont. Et le reste suit, si on veut. Donc. Il faut surtout, moi je pense, rencontrer Francis Desharnais, parce que là quand même je trouve qu'il est bien en dessous de l'évaluation réelle de son rôle dans cette affaire. Moi je suis prof de sociologie, c'est un truc qui peut être assez ennuyeux quand on me demande d'écrire des articles. La chose que je trouve moi la plus difficile dans mon métier, c'est la vulgarisation, donc d'écrire des articles simples, courts et tout ça. Et là, moi, j'avais écrit des scénarios qui, au départ, étaient complètement alambiqués. Enfin, c'était la réalité. Mais Francis a vraiment... c'est un professionnel, il sait faire ça. Et donc, moi, j'étais là avec mes trucs et il me disait, tu sais, on devrait penser à ça, introduire tel personnage, dérouler la situation sur une séquence qui serait pas hebdomadaire mais journalière, oublie les saisons, dans quel ordre on met les choses. Donc il y a vraiment eu une collaboration extrêmement poussée sur l'écriture, y compris sur les gags, sur autant Francis était extrêmement précautionneux pour tout ce qui concernait le contenu, je dirais sur la communauté, les faits, les chiffres et tout ça. Donc il me demandait beaucoup de confirmer des choses, et puis il est aussi allé s'adresser à la communauté concernée pour avoir des informations plus précises, que ce soit sur l'intérieur du synagogue ou sur le déroulé d'une cérémonie. Mais moi j'ai vraiment bénéficié du fait que Francis c'est un artiste, c'est un auteur, et c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. Donc en fait, au moment de transformer le truc un peu ennuyeux de la fille et de la mère en quelque chose de plus rigolo et accessible et intéressant pour d'autres que nous deux et notre famille, Francis a joué un rôle essentiel. Donc, ça a été très agréable. et en fait, on disait que tu étais justement un peu à la rencontre de la communauté. Comment ça s'est passé? Comme j'imagine, en fait, tu leur présentais aussi un peu le projet, Francis Desharnais. Donc, comment eux recevaient ça? Oui, en fait, moi, c'était une de mes motivations, je dirais. Le projet lui-même est intéressant, mais je me disais, si en plus je pouvais essayer moi-même de rencontrer, de faire cette rencontre-là avec des gens de la communauté juive hassidique, ben ça serait quand même bien. Tu sais, j'aime bien me explorer comme ça via le dessin. Puis, je dirais pas que ça a été simple, parce que c'est une communauté qui est un peu frileuse par rapport aux médias en général, parce que souvent, quand on va parler de la communauté juive hassidique, c'est parce qu'il y a un problème, et puis, souvent, ils sont pas dépeints de façon très positive. Donc, il fallait expliquer le projet, Puis, j'ai réussi à rencontrer le rabbin de Québec, Monsieur Lovin, qui m'a accueilli, puis avec qui j'ai eu plusieurs discussions. Mais j'ai rencontré aussi Monsieur Herskovitch à Montréal. À lui, on lui avait envoyé quelques pages, dont une page où Salomé se demande, bon ben là, oui, ils sont tous habillés en noir, un peu tous pareils. S'ils s'habillaient comme nous, puis qu'ils portaient, je sais pas, un genre de t-shirt Lady Gaga, ben qu'est-ce que ça donnerait? Puis j'avais fait un dessin d'un rabbin, en tout cas un monsieur hassidique, avec un t-shirt Lady Gaga, puis c'était rigolo. Mais on l'a envoyé juste pour un peu tester la réaction, puis elle était très positive. Monsieur Herskovitch était très emballé, donc j'ai pu assister à une cérémonie du Shabbat à Montréal, et puis j'ai pu visiter une synagogue à Outremont. Donc c'est possible d'entrer en contact. C'est un peu ça la leçon que moi j'en retire, c'est que ben voilà, c'est juste que si tout se fait dans le respect, tout est possible. Et on parlait du médium BD tantôt. J'ai lu Valérie Mérou, je pense que c'était dans Forum, je crois que vous aviez mentionné. Vous trouvez que c'était un médium qui était plus, entre guillemets, pacifiant que des débats dans des journaux ou des médias, que ça forçait un recul aussi qui permettait peut-être d'aborder plus sainement des sujets qui pourraient être propres à certains débordements lorsqu'amenés dans l'espace public? Ouais, moi je suis très fan de l'utilisation de ce qu'on appelle génériquement les médiums de culture populaire pour parler des sujets graves. Je pense que ça minimise, d'abord ça rapproche les gens parce que ça fait tomber par terre tout le côté violence symbolique du vocabulaire compliqué, des textes vachement longs et tout ça. Là c'est un truc immédiat, le dessin ça touche tout le monde. Quand on a fait les séances avec des enfants, Francis dit toujours, Valérie elle prétend qu'elle dessine pas, mais en fait c'est parce que c'est comme tous les adultes, souvent on arrête de dessiner, il ne faut pas arrêter de dessiner. Et donc en fait le dessin, c'est quelque chose à la fois d'immédiat, de totalement lisible par toute une série de personnes, indépendamment de leur niveau de culture, niveau socio-économique, genre, etc. Et en même temps, ça joue sans arrêt sur des choses, ça permet de jouer sans arrêt sur des niveaux d'émotion et des registres d'énonciation très très différents. Donc il y a dans le livre, il y a des moments, il y a des gens, j'ai encore eu un mail, ça je pourrais en parler tout à l'heure, mais j'ai eu un mail très touchant d'une dame qui m'a écrit, une dame de la communauté juive assidique, là, il y a quelques jours, par Facebook. Alors, c'est assez drôle de voir comment les gens vous trouvent. Et elle me dit, ah, c'est touchant, ça m'a à la fois ému, puis ça m'a fait rire. Alors que, bon, le dessin change pas du début à la fin, que l'histoire, on s'habitue au personnage, etc. Mais il y a cette possibilité de jouer sur les registres et de tenir à distance un discours qui, d'après moi, le discours officiel, politique, etc., écrase la réalité dans laquelle sont pris ces enjeux-là. Donc la BD est quelque chose qui donne du relief et puis qui rompt avec, empêche la séparation, empêche pratiquement de se disputer même si on n'est pas d'accord. Moi je l'ai fait lire ce livre-là à des gens qui ont des positions politiques totalement différentes des miennes. Ils ont aimé le bouquin. Et je spécifie aux auditeurs, en fait, vous êtes titulaire, Valérie Mérou, de la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux à l'Université de Montréal. Et parmi vos travaux, vos recherches, vous intéressez aux représentations du social dans la culture populaire. Et est-ce que c'est un peu de dire aussi de le passage en BD que vous faites un saut de l'autre côté de la clôture dans la mesure où vous devenez celle qui présente le social dans la culture populaire plutôt que de celle qui analyse la représentation de ce social-là? Ouais, mais là, je me suis fait plaisir. Parce que j'ai rencontré Francis, c'est tout. Et mes collègues m'envient. Hein. Je pense que mes collègues sont un peu jaloux du fait qu'en plus l'Université de Montréal a soutenu le projet financièrement. J'avais candidaté à des trucs pour avoir de Francis Sou là, et donc ils nous ont un peu aidés. Alors oui, là je me suis fait plaisir. Je suis un peu passée de l'autre côté. Ouais, c'est pas désagréable. D'ailleurs, le petit mot que je voudrais rajouter, c'est que d'habitude, quand on est dans la production scientifique, on se fait beaucoup critiquer. Les gens commandent vos travaux sans arrêt, analysent la moindre virgule. On n'a pas le droit à l'erreur. On nous accuse d'exagérer, de sous-estimer, etc. Là, c'est la première fois que je ne reçois que des commentaires positifs de gens qui vont d'enfants de 6 ans à des gens plus connus qui ont entendu parler du livre par des amis, des journalistes et puis des gens anonymes. Moi, ça m'a beaucoup touchée de recevoir des emails, des courriels de gens qui sont allés dans des librairies et qui ont acheté le livre et qui avaient juste envie de dire qu'ils avaient aimé et qu'ils étaient contents. Ça m'est jamais arrivé en 25 ans de carrière universitaire. Si je peux me permettre, pour revenir un peu sur l'intérêt de Valérie à la bande dessinée, je pense que ça peut être chouette de souligner que Valérie a fait lire à ses étudiants, 250 étudiants, le livre Ping Pong de Svian. Donc, c'est pas des menteries. Et en même temps, on parle d'un cours de sociologie, donc j'imagine que ping-pong a un intérêt côté développement d'une argumentation, par exemple. Ah bah ping-pong, c'est Francis hein, qui m'a fait découvrir Ziane. Donc j'ai commencé par lire d'autres livres que celui-là, mais finalement au Festival de la BD à Montréal cette année, il m'a dit bah tiens, tu devrais regarder ça. Donc j'ai regardé le livre et en discutant avec les étudiants qui travaillent au doc avec moi et qui m'aident à monter les cours, ils m'ont dit mais c'est quand même une matière. Vous qui aimez bien la culture justement un peu non universitaire, ce serait l'occasion de réfléchir avec les étudiants qui débutent, qui sont en première année et qui découvrent la sociologie, en leur donnant l'opportunité d'avoir un matériau didactique inhabituel. Donc j'ai réfléchi à monter mon cours avec cet instrument-là et ça les a déroutés au début, les étudiants, et puis ils ont finalement bien embarqué. L'avantage de ce livre, c'est qu'elle a un regard sur ce qu'elle a fait. Elle est dans une posture vraiment où elle réfléchit à par où elle est passée pour apprendre, désapprendre, construire, déconstruire, qu'est-ce que ça veut dire savoir, c'est quoi les goûts, comment on apprend, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, et tout ça, c'est des questions de sociologie fondamentales. Donc c'était bien d'avoir un autre moyen d'illustrer ce que j'essayais de ce que je m'échine à expliquer théoriquement d'une manière un peu sûrement absconce et confuse, avec un outil qui était beaucoup plus accessible. Mais ça a dérouté les étudiants. Hein. Ça a vraiment, au début, ça les a complètement... ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et dans les travaux de fin de session, sur 250 copies, j'en ai facilement 2% qui m'ont fait des dessins. C'est-à-dire qu'on m'a rendu des travaux qui sont des bandes dessinées. Alors j'ai peut-être réveillé des vocations, des trucs très chouettes d'ailleurs. Et de ton côté, Francis Desharnais, avec un sujet comme Salomé, les hommes en noir, je pense que les Rémy Roule souligné en début d'entrevue, on revient un peu dans le terreau des sujets plus sociaux qui étaient portés par Burkett, mais dans un tout autre ton, où on va chercher un peu aussi ton côté que tu as développé ces dernières années autour de la BD documentaire, du travail un peu plus d'analyse à travers le médium BD. Oui, pour moi, Salomé les hommes en noir, c'est justement ce peu une espèce de mélange entre BD documentaire et je dirais BD intimiste, parce qu'on raconte quand même une vie de famille, la vie d'une mère et de sa fille, mais au travers de ça, on documente, on cherche à être quand même à bien rendre, à rendre plausible cette vie-là dans le quartier. Donc, on le fait par le récit, mais aussi via les croquis qui sont des moments d'observation, finalement. Et donc, ça devenait nécessaire, en fait, de les mettre côte à côte pour montrer un peu, en mettre en exergue ces deux dimensions-là du travail? Oui, puis en même temps, si je trouvais que ça rythmait bien, ça permettait de donner un rythme au livre qui n'était pas désagréable. Puis, je pense que les enfants pouvaient, je sais pas, dans mes grandes idées, là, que peut-être les enfants pouvaient vraiment bien s'attacher à l'histoire de la petite fille, mais que les adultes pouvaient être contents d'avoir un peu plus de chair informative, j'aurais envie de dire, pour que eux aussi puissent aimer le livre. Parce qu'au départ, c'était un livre plus jeunesse qu'on avait en tête. Ça devient un truc un peu plus tout public. C'est ça. Je crois que via cette alternance-là de récits et de croquis, ça permettait justement de rassembler tout le monde. Et on a fait mention tantôt qu'on avait fait le choix de garder le noir et blanc, en fait, d'éviter la couleur. Est-ce que c'est un peu pour mieux détacher les propos de la conversation, pour garder les éléments plus palpables ou... C'est sûr qu'il y a un côté technique à la chose. La bande dessinée, c'est très long. Puis moi, je suis pas un... la couleur, c'est pas un truc dans lequel je suis très à l'aise. Mais ceci dit, moi, je trouve que le noir et blanc, ça permet de bien raconter, de tout bien raconter. Surtout que là, en plus, on parle... En plus, dans le titre, il y a la couleur... il y a le mot noir. Donc, je trouvais que ça allait quand même de soi, là, d'y aller avec un noir et blanc vraiment... on va dire classique, là, mais... Ouais, moi, je trouve que ça restitue aussi très bien l'ambiance du quartier. Ça met vraiment en évidence le lieu où ça se déroule. Ça permet aussi, je pense, de toucher plus de gens que si on était resté dans ce qu'on avait fait au départ. Et la couleur teintait le tout d'un côté très enfantin qui peut-être aurait restreint le public. Ça aurait peut-être été too much, là, un peu trop. La couleur... Et en terminant, en fait, à travers tout ça, à travers cet album un peu optimiste, humoristique, évidemment, on dresse un portrait de la communauté assidique de Montréal, mais j'ai l'impression que le côté macro, on pourrait dire qu'on aurait pu dresser un portrait similaire pour Londres ou pour New York. Ah oui, alors ça marche très très bien. Là, on a un gros enjeu avec Francis, c'est qu'il faudrait qu'on pense à une traduction en anglais, parce que j'ai eu des commentaires d'abord de gens de la communauté anglophone ici qui m'ont dit mais pourquoi ne pas le traduire en anglais, ne serait-ce que pour diffuser ailleurs qu'à Montréal, et puis alors qu'au Québec, pardon. Et puis je l'ai fait lire à des collègues à New York et à Londres, et j'ai eu les mêmes échos. Donc je pense que l'anglais, ce serait une bonne idée, parce qu'effectivement, ça peut fonctionner entre guillemets dans différents espaces nord-américains ou européens. Et puis l'autre chose amusante, c'est que Monsieur Herkovitch, dont parlait tout à l'heure Francis, le rabbin là de Montréal qu'il a pu rencontrer, on lui a évidemment envoyé le livre, et il nous a contacté, puis lui il a dit que ce serait super de le traduire en yiddish, et que ça lui donnait même l'envie de penser au même type de bouquins, mais cette fois-ci du point de vue de la communauté hassidique. Donc avec Francis, on s'est dit que si le résultat final c'était ça, que ça permettait à la communauté de faire un bouquin en yiddish sur comment ils nous voient, nous les non-hassidiques, ce serait une belle réussite. Alors ben, on suivra tout ça, évidemment, mais d'ici là, je le rappelle, on peut mettre la main sur Salomé et les hommes en noir. C'est disponible chez Bayard Jeunesse. Valérie Amiro, Francis Desharnais, merci à vous deux. Merci. Merci. Et nous, ben, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on parlera avec Clément de Goljac pour Tailleur d'Histoire, Véronique Boisjoli également pour Renaud en hiver. C'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.